côté ça t'a pas arrivé. Génération a changé, mais mon yo pas chamblié. La vie l'insouciance, c'est ça nous a mené. Mais le temps voulait courir, si pas qu'elle est l'a sauvé. Expérience la vie, ban nos maturité. Mais dans la main, nous voulons continuer. Travail commencé, nous même les frères Scorpio. Mais cependant, nous t'avons remercié, famille nous. À tous les amis qui t'es toujours qu'aimé. Asoya, c'est pour yon a chanté en vérité. C'est pour yon a pété. Nous senti tout comme premi. Le noir tout moun sa yon la, et c'est yon que t'es toujours kembe nous. Le nous t'es un problème. kembe.